Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Vintage Wrestlers, le podcast dédié aux Big Four, c'est-à-dire qu'à chaque avant chaque grand pay-per-view de l'année, donc les quatre gros, c'est-à-dire le Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam et Survivor Series, on fait donc un retour vers le passé. Puis donc là, à l'approche de WrestleMania, forcément, c'est le Big One, donc on va parler d'une édition de WrestleMania. Et donc c'est Bruce T qui vous accueille cette fois-ci, étant donné que j'ai un petit peu truqué le micro de Pierre pour que ça marche pas. Donc allez avec moi, c'est spécial couleur sud avec Renaud. Salut Renaud. Bang! Salut Brosti et salut à tous les auditeurs. Voilà, parce que quand même, quand on parle de vintage, s'il n'y a pas Renaud, moi je dis ça n'existe pas quoi. Ben on me sort du placard quoi. Quand c'est vintage, on me sort du placard. On se fait engueuler Comme sur une. Twitter quand il n'y a pas Renaud en plus maintenant. C'est vrai? Ouais. Ah oui! Oui, c'est arrivé la dernière fois. Eh ben dédicace à mon ami. Renaud, quand même, l'indispensable qui est là, bon, qui est peut-être pas là toujours, malheureusement, mais bon, on va le kidnapper et puis on va le garder au frais, voilà, à chaque fois. Avec Et grand donc, plaisir. dans mon prénom, moi, ça commence par A, bien sûr, pour le petit truc privé, mais je suis avec deux R, donc après Renaud, c'est Rubenito. Salut. Bonsoir à tous, bonsoir les enfants. Les enfants Ça aussi, va? Comment ça ouais, va? faut voir si. Ouais, ça va, ça va. J'essaie d'être au niveau ce soir parce que bon, Renaud, c'est quand même toujours un duel intense entre lui et moi. Eh oui, on va voir qui va donner les meilleures références et tout. Non, non, c'est pas du tout une compète. Et donc le Moi, c'est sujet pas une va compète. être. On est une team, nous, on n'est pas des adversaires. Bien sûr. Oui, avec tout le respect. Voilà. C'est la team Wrestles des Survivor Series. C'est ça, on verra qui sera éliminé, le dernier survivant de l'équipe. Donc, l'édition dont on a parlé date de 1994, c'est WrestleMania 10. Après le jingle, donc on va parler de ce pay-per-view qui regroupe beaucoup de Hall of Famers de cette année d'ailleurs. Donc retour à WrestleMania 10, donc le 20 mars 1994 au Madison Square Garden de New York, avec Vince McMahon et Jerry Lawler en commentateur. Et bon, un petit dark match dont on va pas vous parler parce qu'on l'a pas vu tout simplement, c'est qui a opposé les Heavenly Bodies aux Bushwhackers qui seront Hall of Fame cette année. Donc victoire des Heavenly Bodies, voilà pour la petite anecdote. Donc il y en a un qui a quelque chose à rajouter sur Bushwhackers, peut-être un hommage. Non, les Bushwhackers, ouais, c'est cool qu'ils soient au Hall of Fame parce que bon, c'était des bons, enfin, c'était une bonne team, on va dire, de Santino Marella de l'époque, quoi. Voilà, c'est des amuseurs. Donc, bon, c'est cool. C'est quand même des légendes dans leur style. C'est un style complètement différent. Et puis, un des deux Bushwhackers, c'est celui qui a mis le pied à l'étrier de DDP. Donc, rien que pour ça, il mérite d'être au Hall of Fame. Rebénis-toi, tout dit. Bravo. Donc sur ce, eh ben on peut commencer quand même avec un sacré match à l'ouverture qui opposait Owen Hart à Bret Hart, tout simplement le duel des frères, et la victoire du frère maléfique, je dirais Owen Hart, après 20 minutes 21 secondes. Qu'en pense Renaud, l'admirateur de Bret Hart? Oui, admirateur de Bret Hart, et j'aime beaucoup aussi Owen Hart, même si je préfère Bret, parce que je trouve que c'est un classique, un combat historique entre deux des meilleurs catcheurs de cette période-là, parce que on est dans ce qu'on appelle la New Generation, et en fait la New Generation, c'est ce qui est venu après Hulk Hogan, ce qui était la Golden Era, et c'était aussi juste avant l'Attitude Era de Stone Cold Steve Austin. Donc c'est une période de transition qui a été assez difficile sur le plan financier pour Vince McMahon et la WWF, mais par contre en qualité in-ring, c'était assez intéressant avec des gars comme ça, Owen Hart, Bret Hart. Après on a eu aussi Akushi qui est venu, le japonais. Il y a bien sûr Shawn Michaels, Bam Bam qui était un très bon catcheur aussi malgré son poids. Enfin il y avait quelques gars On va comme ça, voir ça dans Razor Ramon quelques aussi. minutes, Bam Bam d'ailleurs. Ouais. Voilà, donc voilà exactement. Il y avait un roster assez sympa au niveau qualité in-ring. Après il y a aussi le 1 2 3 Kid notamment qui était très bon. Et donc X-Pac là pour j'ai les bien plus sûr jeunes. ouais X-Pac pour les plus jeunes ou Six aussi pour les fans de la WCW. Je suis obligé de placer la WCW à ITV. Ce que Terrible. je voulais dire, c'est que C'est dans son c'est. contrat, non, en fait. Oui, c'est dans mon contrat, ça y est. Ouf, c'est fait. Ça a toujours été hyper bon entre les deux. D'ailleurs, ça a été élu le feud de l'année à la WWF en 1994. C'était assez intéressant au niveau in-ring. Ils se sont affrontés plusieurs fois, des tas de fois. Celui-là, il est hyper connu parce que c'est WrestleMania 10 et que c'est un combat magnifique, techniquement parlant. Il y en a eu un aussi qui était plus tard au SummerSlam 94 dans un steel cage match. C'était encore la cage version dure, la cage bleue. C'était un super combat, un des meilleurs combats en cage que j'ai pu voir, tout simplement. Magnifique. Et il y a un autre combat aussi qui est pas assez connu malheureusement, c'était à White Plains. Et ça a été un combat énorme. Moi, je le place un poil en dessous de ce combat-là à WrestleMania 10 et peut-être un poil au-dessus de celui de SummerSlam 94. Ils sont aussi affrontés en Iron Man match, mais ça, c'était dans un house show, malheureusement, donc c'est pas assez connu. Mais je pense qu'on peut trouver ce match en qualité amateur sur Internet. Après, la construction du combat, du début à la fin, c'est quasi impeccable. De toute façon, ça a été booké par Bret Hart. Il s'était mis d'accord avec son frère, ils avaient carte blanche, et c'est Bret Hart qui a pris les rênes des matchs. Et quand Bret Hart prend les rênes des matchs, généralement, ça se passe plutôt bien. La fluidité, elle est là. Ces deux frères, donc l'alchimie, elle est là aussi. On a tout, backbreaker, souplesse, pile driver, c'est hyper propre. Et en plus, on est dans les meilleures années d'Owen Hart, parce que je pense qu'Owen Hart, c'est 93, 94, 95. Après, il y a un petit défunt, mais ces 3 années-là, elles sont superbes. Donc, c'est à conseiller fortement à tous les fans qui n'ont pas vu ce combat. Allez-y, foncez. Et avant de donner la parole à Robinito, l'avis de Jason Kendricks qui va nous accompagner, fidèle auditeur vintage, qui dit que pour lui c'est le meilleur match de la soirée, une intensité de ouf, rivalité d'enfer et de superstar au sommet de leur art, donc il est assez d'accord avec Renault, match juste magnifique. Et lui il a une préférence pour le match qu'ils disputeront en White Plains justement dont a parlé Renault. Donc Robinito, t'en penses quoi? Alors moi, ben, je suis un peu comme Renaud, j'ai adoré le match. Enfin, Renaud, en préambule, il parlait de la New Generation, et il faut savoir que WrestleMania 10, c'est mine de rien le premier WrestleMania sans Hulk Hogan. Donc c'est quand même assez énorme comme... Et oui, et d'ailleurs, t'as assisté à son dernier combat à la WWF au passage. C'est vrai. En fait, j'ai fait partie d'un show à Toulon en 1993, et le main event, c'était Hulk Hogan contre Yokozuna, et il est parti peu de temps après le pépère. Oui, pour la petite anecdote, Yokozuna avait des problèmes de transit à l'époque. Je raconterai ça peut-être plus tard. Donc voilà, sinon, Oui. pour en revenir au match, non, c'est un match hyper fluide. Ces deux catcheurs, enfin, ils se connaissent donc depuis qu'ils sont gamins, puisqu'ils ont, ils ont été entraînés toute leur vie ensemble dans le donjon de Stu Hart. Donc, tu vois qu'ils se connaissent par cœur. Bret Hart est le meilleur vendeur de blessures à la jambe de l'histoire du catch, je pense. Donc dès qu'il peut vendre une blessure à la jambe, ça devient Actors Studio. Je trouve que c'est super bien fait. Il oublie jamais qu'il est blessé. T'as des catcheurs qui ont tendance à oublier une fois qu'ils ont gagné qu'ils sont blessés. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie quand il y a le suivi, voilà, de storytelling tout le long d'un match. Après, c'est hyper technique. J'en parlais un petit peu hors antenne avec Renaud et Bruce T. Je pense que c'est un match très années 90, même si c'est très bon, moi j'adore ça, mais c'est un match très années 90. Les fans de catch des années 2000-2010, je pense qu'ils auront ils auront une petite retenue parce que voilà, c'est très technique, c'est très au sol, ça devient high fly vers la fin, mais il y a quelques botches quand même, hein. Bret Hart qui fait un enziguri, il est un peu botché. Enfin, je sais pas si tu es d'accord avec moi, Renaud, mais pour moi, ça frôle la perfection, mais il y a quelques imperfections qui font que pour moi, c'est pas leur meilleur combat, à eux deux. Et sinon, petit paradoxe quand même, hein, parce que là on voit Vas-y. Bret Hart qui sort vaincu, alors qu'on sait qu'il aura quand même un match de championnat plus tard dans la soirée. Ça, c'était quand même un sacré paradoxe. Ah oui, ça c'est vrai que oui, c'est Owen Hart qui gagne. Ça c'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut pas arriver, quoi. Le mec qui gagne le titre plus tard dans la soirée, il peut pas perdre en opener, c'est impossible. Ouais, on a eu l'exemple avec Daniel Bryan d'ailleurs, au dernier WrestleMania, c'est sûr que. Clean, quoi. Si à la limite, Bret Hart, s'il avait perdu pas clean, bon, à la limite. Mais perdre clean, non, c'est pas possible, quoi. Pour moi, Après, c'était comme une l'a dit grosse Renaud, surprise, hein. comme l'a dit Renaud, c'est Bret qui était en charge du combat, et Bret, il voulait vraiment que Owen Hart ait un push, je pense. Et il avait vraiment, dans un coin de sa tête, la rivalité qui allait se poursuivre tout le long de l'année. Donc, je pense que c'était important qu'il perde ce match, justement. C'est exactement ça. En effet. Bon, ben après cette analyse très complète, je pense qu'on peut passer au deuxième match de la soirée, qui était un match mixte avec l'équipe de Bam Bam Bigelow et de Luna Vachon qui ont battu Doing the Clown et Ding the Clown. Donc mixte dans le sens forcément, voilà, où il y avait différents profils. Le match donc a duré 6 minutes 09 et puis donc je sais que Robinito peut-être il aime les clowns, donc je vais demander son analyse en premier. Voilà, que c'est nul. J'aime pas les clowns, c'est n'importe quoi ta phrase. Enfin bref. Oh, Et on est salaud. du coup, non, Bam Bam Bigelow, pour moi, c'est un des meilleurs big men des années 90. C'est d'ailleurs, enfin, à part ça, pour moi, c'est le catcheur qui a donné le meilleur combat contre un non-catcheur. Faut regarder son combat contre Lawrence Taylor à WrestleMania, que je 11, dis pas le de conneries, footballeur américain. 11, ça? La semaine Ouais, 11, un an 11. plus tard. Ouais, c'est ça. Donc pour moi, c'est le meilleur combat avec un des deux qui est pas catcheur dans la vie, quoi, de tous les temps. Enfin, je sais pas si t'es d'accord, Renaud, mais pour moi, c'est ça. Après, ce match-là, c'est vraiment nul, quoi. C'est inutile. Enfin, c'est dommage pour Bam Bam parce qu'à cette époque-là, justement, il avait, enfin, il était dans un bon moment de sa carrière et c'est dommage pour lui que d'avoir ce genre de combat. Bah, après, c'est typiquement WrestleMania, quoi. C'est un match en trac de WrestleMania. Ouais, la diversité, non, Renault, effectivement, parce que Ding, c'était, bah, c'est un air, et puis voilà, il y a quand même beaucoup de comédie wrestling, forcément, Ouais. c'était pas forcément adapté à un profil comme celui de Bam Bam, voilà. Malheureusement, c'est ça. Voilà, c'est du comedy wrestling. C'est un style que, bon, perso, j'apprécie pas forcément. Après, là, c'est surtout Dink, en fait, hein, le nain qui apporte une touche d'humour au match. Sur le contenu, ouais, il n'y a pas Et grand-chose à Luna dire. aussi. Luna aussi. Ouais, Luna aussi, mais encore elle, c'était j'allais dire une diva. À l'époque, on disait pas diva, mais c'était une catcheuse assez solide. Il y a eu des matchs. D'ailleurs, elle a un personnage un peu sombre. Après, elle était devenue encore plus sombre même dans l'Attitude Era quand elle était avec Goldust. Mais ouais, c'est surtout, en fait, surtout Dink qui apporte une touche comme ça. Dwayne le clown. Là, c'est pas le même gars qui était sous le masque, mais Dwayne le clown, faut surtout voir l'année d'avant, en 93, quand il est heel. Malgré que ça soit un clown, on se dit un peu que c'est un peu un guignol et tout, mais en fait, le gars dans le ring était super intéressant, et ses combats en 93 contre Bret Hart Perfect, c'est vrai que ça aide aussi d'affronter ces gars-là. Ça, je suis d'accord, mais quand même, contre Bret Hart Perfect, même Marty Jannetty, les combats de 93 de Doink, c'est vraiment à Même voir, contre Crush, hein, franchement. c'était pas mal. Même contre Crush, ouais, ça allait. Donc, franchement, Doink en 93, c'est plutôt pas mal. Là, malheureusement, voilà, c'est du comedy wrestling. C'est dommage pour Bam Bam Bigelow, parce que, comme tu disais, je vais te rejoindre aussi sur WrestleMania 11. On lui avait filé les clés du match parce que c'était déjà un mec qui avait roulé sa bosse et il avait déjà une expérience dans le ring très intéressante. Il faut savoir quand même que Bam Bam Bigelow, il faisait les main events à la fin des années 80 à la WWF. Il avait fait équipe plusieurs fois avec Hulk Hogan. Le mec côtoyait vraiment les main events. Bon, là, il fait un peu, il est un peu dans le bouche-trou, mais c'est dommage. Après, c'est un catcheur que j'apprécie beaucoup. Et à la WCW, il avait offert des très bons combats, puis il avait terminé la WCW un peu dans l'anonymat, mais bon. À part quand il était avec DDP en 99. Eh oui, en Je effet. ne vends pas du tout des marques de DDP, hein, vous inquiétez Ça pas. aussi, c'est dans le contrat. Hein. Donc voilà, c'est la première des 17 références à peu près. Donc et puis ben justement au sujet de Bam Bam, Jason Kendrick, lui, se désolait en voyant ce match. Il se disait que la WWF ne savait vraiment plus quoi faire de lui à cette époque. Donc ça rejoint presque un petit peu ce que tu dis, Renaud, que c'était un peu plus voilà. C'est vrai, c'est pas vrai, puisque l'année d'après, il fait le main event de WrestleMania quand même, parce que son match contre Lawrence Taylor, c'est le main event. Donc, Ouais, mais ils savaient quand même qu'ils avaient un mec solide dans le roster. Il voilà, se trouve que là, voilà, ils ont fait une rivalité avec Doink qui était montée un peu, qui était longue, hein, ça datait pas de ça a pas été booké en 15 jours en plus, hein, c'était hyper long comme rivalité. Et du coup, voilà, c'est typiquement des matchs de l'époque, quoi. bon, après ils ont offert le main event à Bam Bam à WrestleMania 11 par rapport à ce match un peu spécial. Pendant un bon moment, ils pensaient mettre le main event entre Shawn Michaels et Diesel pour la ceinture. D'ailleurs, même aujourd'hui, moi, je suis toujours étonné que ce soit pas celui-là qui a été en main event, malgré que le Bam Bam, le nom Laurence du gars, Taylor. voilà, Lawrence Taylor, Laurence Taylor. malgré que, LT. ouais, j'allais dire Roger Taylor, le batteur des Queens. Donc, non, mais, Non, mais ce qu'il faut c'est... savoir, c'est que nous, en France, on est un peu hermétique à ça, mais Laurence Taylor, Et ouais. c'est une des plus grandes stars du football américain des années 90, Voilà. quoi. Donc, Bref. finalement, on fait le vintage de WrestleMania 11. Ok, bon, ben, faut que je switch un peu ce que j'avais Votre préparé. analyse de Bam Bam Taylor alors. Et donc on va passer à la suite avec donc Hall of Famer phare de cette année donc qui était à l'affiche dans un Falls Count Anywhere aux règles assez particulières. Randy Savage donc qui a battu Crush après 9 minutes 49, alors un match assez spécial parce qu'il fallait faire le tomber en dehors du ring et puis ensuite il fallait y revenir dans le ring avant 1 minute, donc en fait, le premier qui revenait après 1 minute, bah, il avait perdu le match, quoi. C'était assez tordu. Voilà, donc le retour de Savage un petit peu dans ses dernières apparitions, en gros, quoi. Oui, c'est son dernier WrestleMania d'ailleurs. Oui, en plus, avant qu'il vienne à la WCW faire de belles rivalités, Renault salive, là, j'ai l'impression. Donc, Ah ouais, contre Flair Hogan, c'est des classiques. bah, je vais demander Enfin, l'analyse. peut-être qu'un jour on l'aura en interview, ça va être, je sais pas, peut-être. Ouais, peut-être, ouais, de la chance. Sachant que c'est l'improvisation posthume qu'il y aura cette année, donc ouais, on verra l'analyse de Renault. Alors déjà, pour remettre en place un peu le contexte, parce que c'est vrai que c'est un peu bizarre de voir Savage, parce qu'il avait déjà pris un peu sa retraite en quelque sorte. Il était devenu commentateur à Raw avec Vince McMahon. En fait, Crush, il avait participé au Body Slam Challenge qu'ils avaient organisé sur un porte-avions où il fallait en fait enfourcher Yokozuna. USS Intrépide. Voilà, il fallait, et c'est Luger qui a réussi le truc, il fallait enfourcher Yokozuna, lui porter un Body Slam, et Crush avait été poussé par Randy Savage. À ce moment-là, il était face. Et Savage lui avait dit, vas-y, il faut que tu ailles, tu vas réussir à enfourcher Yokozuna. Donc Crush l'avait fait et il s'était blessé au dos. Il avait failli réussir à enfourcher Yokozuna. C'est vraiment le gars qui a presque failli réussir. Parce qu'il avait vraiment décollé les pieds de Yokozuna, mais il n'a pas pu faire un tour entier, il s'était bloqué le dos. Il était parti. Et quand il est revenu, ben, il a tourné heel et il s'attaque à Savage en disant, c'est ta faute si je me suis blessé, tatati, tatata. Donc, voilà, déjà, ça, c'est le contexte pourquoi il y a ce match-là. Parce que c'est vrai que c'est assez spécial de voir Randy Savage contre Crush, de voir Savage à ce moment-là du show. Parce que normalement, Randy Savage, c'était les main event et Crush carrément pas. Après sur le match en lui-même, bah, la stipulation, elle, comme tu as dit, Brosti, elle est hyper space quoi. Elle est perso, j'ai pas accroché. Ça reste plutôt comment dire divertissant, mais à part ça, il y a franchement rien. Je veux dire, Randy Savage a tellement offert des matchs légendaires à la WWF et à WrestleMania en particulier, notamment contre Flair à WrestleMania 8 ou contre Hogan à WrestleMania 5. Ou bien sûr Steamboat à WrestleMania 3, surtout celui-là. Que là, c'est assez spécial de le voir contre Crush. Et Crush, lui, c'est un peu son moment de gloire, malgré qu'il perd le match contre Savage. Mais d'avoir un contre un contre Randy Savage dans un WrestleMania, en plus c'est WrestleMania 10, pour lui, c'était pas rien. Parce que Crush n'a pas eu grand-chose à la fédération. Après, on l'avait mis dans les Demolition avec Axe et Smash, mais... C'était avant, ça. Ouais, c'était avant. C'est bien avant, mais le problème, surtout, c'était que... Dans Demolition, c'était pas ça quoi. Crush, c'était vraiment été le gars ajouté à la team et c'était plus vraiment la même team quoi. C'était comme si on avait mis un Black dans les Harlem Heat au milieu de Booker T et Stevie Ray. D'ailleurs, ils avaient refait les Harlem Heat 2000 et c'était pas ça à l'époque aussi. C'était vraiment dès qu'il y avait plus Booker T, c'était plus pareil. Et là, c'est un peu pareil. D'avoir mis Crush dans les Demolition, c'était pas grand chose. Donc Crush, en finale, il a vraiment pas eu grand chose en fait. À un moment donné, il avait challengé aussi Shawn Michaels pour le titre intercontinental, mais ça s'était arrêté là. Crush, moi j'ai préféré le voir à la WCW, encore une fois, désolé les gars, mais sincèrement, quand il était Bryan Adams dans les chroniques, là c'était plus intéressant, ils avaient été champions par équipe plusieurs fois. Mais c'est un peu ce moment de gloire, voilà, c'est son 1 contre 1 assez mythique en pay-per-view, parce que c'est contre Randy Savage et que c'est WrestleMania. Et Jason Kendricks, lui aussi, bah, il est assez troublé par ce match qui n'a pas de rythme, mais qui est sauvé par une fin originale. Avec donc Savage qui accroche hyper botché, la fin, Crush, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est assez bizarre, ouais, ça tient pas trop, non. D'ailleurs, t'as pensé quoi de cette fin peut-être? Moi je trouve que c'est hyper botché la fin, ouais, la stipulation elle est bidon. C'était où on fait un match où t'as 60 secondes pour revenir dans l'un, où tu fais un false count anywhere, mais le fait de mélanger les deux, c'était bizarre quoi. Après ouais, match human, c'est dommage que ça soit son dernier WrestleMania ce match là, parce qu'il mérite quand même une fin meilleure quoi. Je trouve que c'est un genre de mec qui a jamais eu trop de chance dans sa vie sur les WrestleMania. À chaque fois qu'il a fait des gros combats, il a toujours été éclipsé par un truc plus big encore. Renaud parlait de WrestleMania 3, il fait le match de la soirée contre Steamboat, mais les gens se rappellent que du André the Giant Hulk Hogan par exemple. C'est que des ah oui, il y a beaucoup de trucs comme ça sur Savage. Je trouve qu'il a pas de chance. À chaque fois qu'il sort des performances énormes, il y a toujours un truc historique qui se parle de la même soirée et donc on en parle moins quoi. Je vais regarder WrestleMania 4 pour Savage. Voilà. WrestleMania 4 contre Teddy Biasi. Voilà. C'est le main event. Voilà. Il y a aussi le WrestleMania où, en 92, le WrestleMania 8 contre Flair où il est champion, il devient champion aussi. Voilà. Il y a pas mal de choses, quoi. Mais bon, pareil, en 92, le main event un peu éclipse, son match. Bon. Voilà. Après, le match en lui-même, franchement, ça a aucun intérêt, je trouve. Mis à part qu'à l'époque, moi, avec mes yeux d'ado de 14 ans, j'aimais bien Crush parce que je trouvais qu'il était sympa de le voir dans le ring. Donc j'étais hyper déçu parce que qu'il devienne heel à l'époque, je me souviens bien. Et du coup, ça me paraissait bizarre en fait ce match. Je comprenais pas trop l'intérêt et tout. Mais à mon avis, il a pas changé 20 ans après. Quand même, Randy Savage, ça reste une des superstars les plus adulées de l'histoire, quoi. Parce que ah oui, clairement. Pas, des ovations de dingue. Il est dans le top 10 des catcheurs les plus aimés, les plus soutenus de l'histoire. Même quand il était heel, il était vachement soutenu, quoi. Il a pas eu beaucoup de périodes heel, il en a eu quelques-unes, mais il a toujours été très soutenu, très aimé par le public. Enfin, après, c'est une légende, hein. Franchement, ça fait partie des cinq légendes de tous les temps, quoi. Ah ouais. Et donc, il était temps qu'il prenne sa place sur le fame, même si malheureusement, il n'est plus là. Mais bon. Un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais dans ces cas-là, on a envie de dire. Parce que c'est vrai qu'il était largement temps. Largement. Ouais, c'est sûr. On aurait même pu y penser dans les premiers noms, mais bon. Et en parlant de Hall of Fame, ça nous amène au match suivant, qui est pas particulièrement spectaculaire, c'est sûr, mais pas particulièrement long surtout, qui est pour le titre féminin de la WWF, avec Alundra Blaze, donc qu'on connaît aussi sous le nom de Madusa Or WWF, donc qui a conservé son titre en battant Layla Nikai, donc voilà, en 3 minutes 20. T'as pensé quoi, Robinito, le spécialiste du catch féminin? Ah ouais, c'est Alundra Blaze. Qu'elle a un style qui est vachement en avance sur son époque et son adversaire était vraiment en fin de carrière. Moi, franchement, je la connaissais de nom, mais de mémoire, j'avais pas vu de combat de elle, de Leila Naki, c'est ça? Leila Naki. Donc, j'avais pas vu. Ouais, bon, enfin, Kai, pardon. J'avais pas vu de combat de elle, enfin, j'ai pas de souvenir. Mais c'est vrai qu'Alundra Blaze, elle avait vraiment un style dans le ring très technique. Et assez en avance sur son temps, quoi. Et mais du coup, ça faisait un peu tâche à l'époque parce qu'il n'y avait pas d'adversaire pour elle. Et donc, du coup, bah, on se retrouvait avec un match contre. Ah, si, il y en avait une. Il y en avait une. C'était Bull Nakano, ouais. Voilà. Ouais. Guillemets, hein, ouais. D'ailleurs, ben, elles se sont affrontées à WWF. Et puis ensuite, quand Alundra Blaze est partie à la WCW avec cette fameuse scène de la ceinture jetée à la poubelle. Ben, ils ont créé le titre féminin, bon, qu'elle a jamais gagné paradoxalement, et ben, ils avaient ramené Bull Nakano pour faire d'autres affrontements encore, donc voilà. C'était le truc, et d'ailleurs, à WCW, je me rappelle qu'elle avait eu un titre Cruiserweight aussi. Ouais, exactement, en battant Evan Courageous, un gars qui était après dans les Three Count. Ouais, il y a pas grand chose à dire, malheureusement. C'est vrai que Blaze, elle était en avance sur son temps, et je te rejoins aussi, je vais redire pareil, mais c'est vrai que ces affrontements contre Bull Nakano, faut vraiment les voir. C'est le Blaze Bull Nakano, c'était, mais franchement excellent. Pourtant, je suis pas un fan, généralement, du catch féminin, mais là, franchement, Blaze Bull Nakano, c'est... Ah ouais, bah ouais, là clairement. Après, oui, le fameux coup de la ceinture en 95, où elle rejoint la WCW, puis elle balance la ceinture en direct à Nitro. Elle balance la ceinture Woman, dans la poubelle, ça aussi ça avait fait beaucoup de bruit et c'était bien brouillé avec la fédération de Vince, et pendant un bon moment il s'était vraiment plus adressé la parole. Et elle aussi, de la voir au Hall of Fame, c'est assez surprenant, tant mieux pour elle. Mais c'est vrai que c'est un peu comme tous ces derniers, hein, qu'on a eu, l'Ultimate Warrior aussi, on pensait pas le voir, finalement il est revenu, il a enterré l'âge de guerre. Qui on avait eu aussi? Bruno Sammartino, voilà. Bruno Sammartino, bien sûr. Alors lui c'était encore pire, finalement il a réussi à revenir et enfin, il est revenu. Ça, voilà, cette année on a Savage, là il y a Blaze aussi, donc le dernier un peu comme ça bien. Brouillé, c'est Warner et Bret Hart aussi. C'est bien, ouais. C'est bien, j'ai l'impression que Vince McMahon avec le temps aussi, bon, les choses ont passé, voilà, c'est le business qui voulait ça aussi, hein. Si on va par là, alors on se brouille avec tout le monde, parce qu'à un moment donné c'était vraiment la guerre entre ces deux grosses fédérations, donc il aurait pu plus aussi adresser la parole à Hulk Hogan ou à Randy Savage par exemple. Enfin, Randy Savage, ça a été le cas, parce qu'il y a eu des histoires soi-disant backstage avec Stéphanie, enfin des trucs un peu troubles. Pas sombre aussi au match suivant, je pense. Ouais, mais juste pour ajouter un tout petit truc, donc l'analyse de Jason Kendrick, celui qui donc souligne un petit peu ce que Obenito disait, que c'était vraiment un choc des générations. Et ouais, lui, il a souligné au niveau du look, au niveau in-ring, voilà, parce que c'est vrai que Alundra Blaze collait bien, je veux dire, à la thématique New Generation, même si elle avait vraiment de l'avance, c'est sûr, par rapport aux autres catcheuses américaines, en tout cas, parce qu'elle était quand même beaucoup d'inspiration qu'elle japonais aussi, elle est un petit peu voyagée partout, et puis quand on voit son style, c'est pas ça rappeler, bien sûr, maintenant, on voit les Gail Kim, les Edge et les Page, on voit de qui elles se sont inspirées, ça c'est très clair, en tout cas. Une pionnière. Ah oui, de très très loin là. On voit franchement là, quand on la voyait dans le ring, on voit maintenant, il n'y a pas vraiment d'innovation. Disons qu'on se dit que c'était elle justement l'innovatrice. Donc, tu sais qu'elle a fini par des courses de Monster Truck. Ben encore maintenant d'ailleurs, mais elle s'est blessée, je crois l'année dernière. Ouais, elle s'est blessée l'année dernière, donc elle a dû arrêter, je crois. Après, je suis pas attentivement ça, mais ouais, effectivement, ouais. Je ne pensais pas qu'on ferait plus longtemps d'analyse de ce match que le match en lui-même. Ah ouais, mais c'est les divas. Et donc, même si c'était féminine à l'époque. Ouais. Mais bon, voilà. Mais le prochain match, à mon avis, on va pas faire non plus une analyse énorme. C'était pour les titres par équipe à WWF avec l'équipe Men on a Mission, composée de Mabel et Mo, qui ont battu les Kubakers, Jacques et Pierre, accompagnés de Johnny Polo. Donc, je laisserai au Benito dire qui est Johnny Polo. Ça s'est fini par décompte à l'extérieur après 7 minutes 41, ce qui fait que les Quebecers conservaient leur titre. Donc au Benito. Ce qui est bizarre, c'est que ce qui est bizarre, c'est qu'ils conservaient leur titre, mais c'était Main and Omnichain qui célébrait avec les ceintures. Je comprends pas trop pourquoi d'ailleurs. Enfin bref, non, le match en lui-même, il y a rien d'hyper intéressant à part que Mabel, donc après a été Viscera, Big Daddy V, coaché par Matt Stryker, qui est toujours en interview sur notre chaîne YouTube. Je fais l'auto-promo. Non, je trouve qu'il était vachement, vachement fluide et vachement rapide pour sa, taille et pour ça. Et Mo, il servait un peu de faire valoir à Mabel. C'était son partenaire, mais c'était un peu faire valoir et c'était Mabel vraiment qui finissait les matchs et qui était le mec important de l'équipe. Du coup, et en face, les Quebecers, enfin, après, Jacques a toujours été, assez honnête dans le ring. Pierre, j'aimais plus quand c'était l'époque de Raymond Rougeau avec Jacques. C'est vrai que Pierre, j'aimais moins son style, qui était un peu bourrin, pas très technique et tout. Mais Jacques Rougeau, c'est quand même un catcheur assez technique, même si on peut en dire ce qu'on veut, c'est quand même assez propre souvent dans le ring. C'était un peu ennuyeux parce que il voulait trop jouer avec le public, mais sinon oui, à l'époque, et donc les Men on the Mission étaient vraiment dans un push qui a pas duré longtemps, qui était un peu avec Lex Luger, voilà, il faisait partie un peu de la team des fiers d'être américains, et on est content que Lex Luger ait soulevé Yokozuna. Et voilà, quoi, donc c'était un peu ça, leur gimmick, et c'était des rappeurs feel good, comme on dit. Et donc, voilà, Johnny Polo, c'est qui? Johnny Polo, c'est Raven, donc il joue un gosse de riche à l'époque, pas du tout avec la suite de sa carrière, et je trouvais que c'était marrant pour l'anecdote de voir ça, quoi. Je m'en suis rendu compte, en fait, je me rappelais même plus l'existence de Johnny Polo. En le revoyant, je me suis rendu compte que c'était Raven. On n'imaginait pas qu'il deviendra, après. L'analyse de Jason Kendrick, lui, il avait du mal à accrocher à l'équipe Men on a Mission, surtout au niveau du look, mais aussi un petit peu au niveau cash carrière. Mais comme tout le monde, hein, franchement, elle était pushée, cette équipe. Je t'écoute parce que moi, Brusty, mais elle était pushée à mort, cette équipe, mais franchement, il y avait très peu de réactions, quoi. C'était pas très intéressant dans le ring, c'était pas très intéressant en général. C'était très c'était un peu à la arthrose d'aujourd'hui, quoi. Ah, ils étaient appréciés des gens, quand même. Rap après, hein. Ils étaient quand même appréciés des gens, notamment ce soir-là. Ah oui, non, ils étaient ouais, pas appréciés quand même. Il y avait une bonne pop. Parce que c'est New York et parce que c'est contre des Québécois, mais. Mais complètement, oui, ça c'est sûr. C'est sûr que ça a aidé. Finir l'analyse de Jason Kendrick, lui, pour lui, ce match est quand même moins pire qu'il aurait pensé, et puis ça a aidé aussi le fait que c'était pas trop long, donc ça a rendu le match assez cool quand même. Renaud, t'as pensé quoi? Moi, j'ai trouvé ça franchement pas mal, parce que j'avais plus souvenir. Bon, après, c'est vraiment oubliable, je veux dire, c'est pas, on se met pas à WrestleMania 10 en se disant, ouais, on va se mettre Men on a Mission contre les Quebecers, c'est sûr. Mais franchement, à le regarder comme ça, je trouve qu'il est bien passé. J'ai envie aussi de souligner Mabel, parce que franchement, c'est clair que, à ce moment-là, même s'il a toujours été énorme, au niveau du poids, il était moins cassé, il était plus jeune, et il était plus vif, et il a quand même des trucs assez intéressants, pour son gabarit, franchement, et franchement propre, en plus, quand il est fait. Après, ouais, Jacques, c'est un bon catcheur technique. Pierre Carl Wallet, moi, j'aime bien Pierre Carl Wallet, surtout en 95, quand il se faisait appeler Jean-Pierre Lafitte, et qu'il avait un peu, bon, sa gimmick, elle était un peu pourrie, c'était une sorte de pirate. Non, Pierre Carwalet, c'était une sorte de pirate en 1995, et il avait affronté Bret Hart dans un combat à New Year's 3, et ça avait été franchement un très très gros combat. Alors c'est sûr, encore une fois, que c'est Bret Hart en face, donc ça aide, mais sincèrement, je trouve qu'il avait vraiment monté de niveau à ce moment-là, Pierre Carwalet. Donc moi j'ai toujours bien aimé ce catcher. Après ce combat-là, bon bah voilà, ça se laisse franchement regarder, c'est plutôt appréciable quand tu l'as devant les yeux. Le match, j'en ai pas parlé, moi, mais il est très bon, le match. Mention à la double franchement. Souplesse des Quebecers sur Mabel, qui était vraiment bien. Ouais. Donc, ils essayent la une fois, ils se ratent, ils réessayent. La bombe québécoise, ouais. C'était sympa. Et le finish de Man on a Mission était un peu bizarre. C'était un genre de bulldog que portait Mo sur Mabel et qui faisait un écrasement sur leur adversaire. C'était un peu bizarre, mais bon, ça passait bien aussi. Voilà, ben, on peut passer au match suivant. Premier match de la soirée pour le titre de la WWF. Le match de la soirée. Le match de la soirée, ouais, chacun son opinion. donc avec Yokozuna, donc qui était le champion et qui a battu Lex Luger par disqualification. L'arbitre spécial était Mr. Perfect, qui a quand même un petit peu exagéré sur la disqualification sortie nulle part après 14 minutes 40, mais on va peut-être pas s'en plaindre, je pense. L'avis de Jason Kendricks d'abord, qui a détesté ce match, il a vu énormément de botches, avec un Luger qui surjoue trop quand il se prend un coup, ce qui fait que le match perd en crédibilité. Et puis surtout, il y avait aucune alchimie entre les deux, et puis il y avait quand même une fin de merde, donc... Donc mon analyse, alors Yokozuna Lex Luger, c'est mauvais. C'est mauvais, et je vais rejoindre Jason, c'est malheureusement Lex Luger au niveau du selling, ça a toujours été assez catastrophique. Et là contre Yokozuna, c'est encore plus catastrophique parce que Yokozuna c'est aussi un gabarit énorme et bon face à Luger, c'était obligé que ça allait pas être un grand match malheureusement. Et puis cette fin avec Mister Perfect, je trouve d'ailleurs franchement sincèrement hein, des fins comme ça, on les fait aujourd'hui en pay-per-view, mais tout le monde crie au scandale. Hein. Parce que sur plusieurs matchs, on a des trucs là, le match tag Carrément. team juste avant, là celui-là, on pourra parler après du main event. Enfin, il y a quelques trucs quand même, sincèrement, c'est juste dingue. Là, c'est Mister Perfect qui fait des siennes, qui veut pas compter. Enfin, c'est un gros bordel. Je pense que Lex Luger, de toute façon, si on veut voir des bons matchs de Lex Renaud, Luger, faut. peut-être tu peux apporter une petite précision. Moi, je n'ai pas la réponse. Pourquoi Perfect se retrouve à être arbitre spécial de ce match? Ben c'est Jack Tunney qui à l'époque il était soi-disant le président, ça a toujours été Vince McMahon, mais comme McMahon il avait son rôle de présentateur, c'était Jack Tunney qui avait décidé. C'est de lui-même Genre comme de ça qui général manager de l'époque, quoi. Ouais, mais Jack Tunney, non, carrément, il était même annoncé comme le président à ce moment-là, qui avait annoncé que les deux matchs auront chacun un arbitre spécial pour pas influencer le résultat du match. Donc j'avais pas. Franchement, j'ai jamais compris pourquoi. Il était derrière son bureau dans une émission télé, puis il avait annoncé ça comme ça. Il avait dit Luger, Yokozuna, il y aura un arbitre spécial. Et Bret Hart, le gagnant du match. Voilà. Il y aura un arbitre spécial aussi. Donc, c'était assez bizarre. D'ailleurs, ce truc aussi est assez bizarre parce qu'ils ont fait ça à la pièce, en fait. Parce que pour rappeler quand même aussi, on va vite le rappeler, je vais essayer de faire vite, mais pourquoi ils ont tous les deux un match de championnat, Luger et Bret Hart? Parce qu'ils ont gagné tous les deux le Royal Rumble 94. En fait, ils sont éliminés en même temps, ils ont touché les deux pieds au sol en même temps. Et ils n'ont pas départagé comme on ferait aujourd'hui, ou comme on a fait depuis 2005 avec Batista et John Cena, où les deux avaient touché le sol en même temps. Finalement, on avait refait une belle, et c'était Batista qui avait gagné le match. Et qui était allé affronter Triple H à WrestleMania 21, il avait gagné. Là, il n'y avait pas ça. Les deux, ils avaient touché les pieds au sol, donc les deux étaient challengers. Et ils avaient tiré ça à pile ou face. Savoir qui affrontait Yokozuna en premier. Si c'était Bret Hart qui affrontait Yokozuna en premier, alors Luger aurait affronté Crush dans la soirée. Puis après, le gagnant de Yokozuna, Bret Hart. Si Luger gagnait la pièce en premier, bon, Bret Hart affrontait donc Owen Hart dans son match. Et puis après, il affrontait le gagnant du match, Yokozuna Lex Luger. J'ai été assez clair. Complètement. Oui, ça va. Bon, ça va, d'accord. Non, parce que je m'entends parler, je me dis, waouh, c'est peut-être un peu compliqué. Donc voilà, ça c'était pour replacer les choses. Après, si vous avez envie de voir un Yokozuna Lex Luger, alors je pense pas qu'il y en ait beaucoup sur cette terre qui a envie de voir un Yokozuna Lex Luger, Faut être sadique. sincèrement. Hein. Oui, faut être un peu Il sadique. ouais, y a des masos des fois hein, qui nous écoutent. Moi, j'en Il y a des connais. masos. Ouais, voilà. Donc, je pense quand même qu'il faut se tourner vers SummerSlam 93. Et au SummerSlam 93. C'est quand même un peu mieux. Faut avouer franchement que voilà, c'est même bien mieux que ce qu'ils ont fait là à WrestleMania 10. Mais Lex Luger, si on veut regarder des matchs Lex Luger, de toute façon, faut se tourner vers fin 80 jusqu'à 92 à peu près à la NWA et au début de la WCW, c'était des combats pas mal. C'était pas un grand catcheur, mais c'était franchement pas mal. Après, il a tellement baissé. Et ouais, je vais laisser après la parole à Robénito justement sur la gimmick de Lex Luger parce qu'il voulait faire une comparaison avec une interview qu'il a entendue récemment de Bret Hart. Oui, tout à fait. Non, en fait, Bret Hart expliquait il y a pas longtemps qu'il faisait un parallèle entre donc ce WrestleMania-là et un peu l'histoire qu'il y a eu. Ben, c'était juste après le Royal Rumble. Un peu l'histoire qu'il y a eu avec Roman Reigns et Daniel Bryan à Fastlane, où on savait pas en gros Roman Reigns remettait sa chance de participer au main event de WrestleMania contre Daniel Bryan. Et du coup, Bret Hart expliquait qu'à l'époque, en gros, il avait le soutien des fans. Et alors que dans les plans, c'était prévu que ce soit Lex Luger qui soit champion. Et donc les plans ont changé parce que la gimmick de Lex Luger et le talent dans le ring de Lex Luger n'accrochait pas du tout, ne faisait pas accrocher le public. Et donc du coup, je trouve que c'est intéressant comme parallèle de se dire que finalement, c'est pas nouveau, quoi. Enfin, à toutes les époques, on a eu ce genre de choses-là, ce genre d'épisode-là qui est un peu, voilà, qui est un peu normal quand on essaye toujours de monter des nouvelles stars, surtout à cette époque-là de la WWF, où on avait besoin de têtes d'affiche, parce qu'il y avait que Bret Hart à cette époque-là qui était vraiment une tête d'affiche, et c'était vraiment ses débuts d'ailleurs en tant que main eventer. Et il voulait un pur américain en plus, Rob Benito. Et en plus, il voulait un américain, voilà. Du coup, ça faisait vraiment deux choses. Et bon, voilà, après, tu peux pas aller contre le goût du public. Si le public accroche pas, t'es obligé d'avoir un plan B. Le plan B, c'était Bret Hart. Et il y a pire comme plan B que d'avoir Bret Hart, quoi. Voilà, après, le match en lui-même, Renaud l'a très bien résumé en disant c'est mauvais. Voilà, parfait. Pas non, mais c'est clair, c'est concis, et puis c'est aussi concis que le match suivant. Attends, à part que Yokozuna, pour un big man, qu'est-ce qui vendait bien les prises? Franchement, bon, c'est pas son meilleur match, hein, mais rien que le coup de coude qui est le finish de Lex Luger, Yokozuna, il le vend hyper bien. Bon, à part qu'il reste 14 minutes au sol, mais sinon, il le vend hyper bien. Et souvent, enfin, franchement, souvent, ils vont bien contre des mecs qui sont censés être baraqués, ils vont très très bien les prises de Yokozuna. Et Yokozuna, contrairement à son nom et puis à sa gimmick, était samoan, bien sûr, de la famille Rikishi et compagnie, quoi. Voilà, voilà. Bah, faut passer vite fait le match suivant qui était on ne peut plus court entre Earthquake et Adam Bomb, qui était accompagné de Harvey Whippleman surtout, donc qui a fait une petite biscouette avant le match. Frité avec un mec qui avait des cheveux, je me rappelais même plus qu'il avait des cheveux ce mec-là à une époque. C'était Howard the Pink. Eh oui, et d'ailleurs ils allaient avoir un toxeux de match après, donc. Ouais, mais Howard the Pink, il avait sorti la perruque ce soir-là, hein, parce qu'il avait déjà plus de cheveux en 80. Perruque, c'est pour ça que je me disais, mais il n'a jamais eu de cheveux ce mec, de mes souvenirs. Whippleman, un des managers les plus excentriques, qui était manager de Kamala plus tôt, bien sûr, voilà. Ouais. Et bon, sinon, voilà, match ultra expéditif. Earthquake qui a débarqué comme ça, et puis qui a fait le tomber vite fait, et puis voilà, c'était fini. Donc une analyse peut-être très très rapide ou éventuellement évoquer Adam Bomb ou... C'est nul. Oui, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt comme beaucoup de matchs. Surtout que Earthquake et Adam Bomb sont des catcheurs solides, donc il y avait moyen de leur donner un petit match sympa, quoi. Bah ouais. Earthquake, ça fait partie des big men qui étaient pas mal à l'époque. Bon, pareil, c'est de la fin de carrière, mais franchement, il était bon à l'époque, quoi. Ouais, il y a un moment donné où c'était plutôt intéressant. C'était d'ailleurs lui aussi, c'était dans sa team, parce qu'il avait fait après une team avec Typhoon. Vous avez été champion par équipe. C'était lui aussi qui dominait. Je fais la comparaison avec Mabel, tout à l'heure on en parlait dans sa team avec Mo. Bah, pareil avec Typhoon et Earthquake. C'était Earthquake qui était un peu l'homme fort de la team. Mais là, il y a franchement rien à dire. Et puis, tout à l'heure, je parlais de Crush en disant qu'il était après devenu Brian Adams à la WCW dans les chroniques. On peut dire pareil pour Adam Bomb, qui après deviendra Ruff et après deviendra Brian Clark et rejoindra donc Brian Adams dans les chroniques, il deviendra champion du monde, donc avec Crush. Crush et Adam Bomb, ben c'est Brian Clark et Brian Adams. Voilà, après sinon, bon, aussi, franchement, sur le match, on peut vraiment avancer, parce que là, il y a vraiment, mais alors vraiment oui, rien non, à dire. On ne rien dire, voilà. Et puis, Jason Kendrick, celui qui se questionne un petit peu sur une utilité complète, bien sûr, parce que surtout que lui, il se demandait pourquoi ressortir Earthquake, si c'est pour le remettre aux oubliettes le lendemain, mais voilà. Donc on passe au match d'après, pour le coup un énorme classique qu'on voit sur un nombre incalculable de DVD, c'est le ladder match pour le titre intercontinental, Undisputed à l'époque, entre Razor Ramon et Shawn Michaels, remporté par Razor Ramon après 18 minutes 47, Shawn Michaels qui était accompagné au départ par Diesel alias Kevin Nash qui sera intronisé cette année au Hall of Fame, mais qui a été éjecté par l'arbitre en cours de match, que énorme classique qui n'est pas le tout premier ladder match de la WWF, c'était Bret Hart contre Shawn Michaels, mais ça n'empêche que c'est quand même un énorme classique. Donc, et d'ailleurs, Benito, selon toi, c'est le meilleur match de la soirée. Donc. Alors, en fait, je le dirais pas exactement comme ça, mais ça y ressemble. C'est-à-dire que pour moi, c'est aussi bien que le match entre Bret Hart et Owen Hart. Sauf que dans les standards qu'on a aujourd'hui du catch, je trouve que ça se rapproche plus du catch actuel que l'opener, qui est un peu plus un catch technique au sol, qui est plus années 90. Après, ça dépend ce qu'on aime, ça dépend ce que l'on recherche. Mais moi, c'est vrai que, voilà, enfin, Razor Ramon, là, il est au top de ce qu'il pourra donner, Scott Hall, il est au top de ce qu'il pourra donner dans sa carrière, selon moi. C'est son meilleur match en carrière. Et Shawn Michaels, voilà, on sait qu'il est toujours bon. Et mention spéciale à la WWF qui a à l'époque vite sorti Diesel du match et du coup ça c'est devenu très intéressant. Alors ça aurait pu être très chiant d'avoir Diesel qui aide Shawn Michaels avec l'échelle quoi. Donc du coup ça fait partie des bonnes idées du booking alors que dans l'absolu ça devrait pas puisque c'est censé être un match sans disqualification du coup. Donc c'est un peu bizarre, c'est paradoxal comme truc, mais je trouve que c'est une bonne idée quand même de l'avoir dégagé du match. Et du coup, ça, c'est un classique. C'est moi pour moi un des, enfin, c'est le meilleur match en un contre un à l'échelle de tous les temps selon moi. Je pense que Renaud est pas d'accord, mais pour moi, c'est le meilleur match à l'échelle de tous les temps. Et les échelles étaient bien bien solides quand même à l'époque. Hein. Et à l'époque, c'était pas les échelles minimum broyées qu'on a aujourd'hui. Ah ouais. Et pour Jason Kendrick, ce match était vraiment la preuve qu'une nouvelle ère a été lancée à WWE. Donc, est-ce que Renaud est d'accord? Oui, c'est un match pionnier en fait au niveau ladder parce que comme tu le disais tout à l'heure, il y a eu un Bret Hart et JBK en 92 d'ailleurs qui est resté confidentiel pendant de nombreuses années parce qu'il n'a même pas été télévisé ce match. Il n'a jamais été télévisé, c'était à Wrestling Challenge, non, il est ressorti. Il y en a beaucoup qui disent que celui-ci, le Shawn Michaels Razor Ramon, est le premier parce qu'ils savent pas que voilà, l'autre a existé. Et voilà. Ouais, c'est exactement ça. Il y en a qui sont persuadés que c'est le premier alors qu'en fait il y a eu Bret Hart Michaels en 92. Mais qui n'a jamais été diffusé, donc qui est sorti récemment grâce au DVD, tout ça, on peut le trouver maintenant très facilement sur Internet. Mais quand même, c'est vrai que celui-là, le Razor Ramon Shawn Michaels, déjà, c'était pas Wrestling Challenge, c'était à WrestleMania, donc ça a une autre ampleur. C'est un match pionnier de ce qui s'est fait après dans les ladder match. C'est vraiment, voilà, c'est, après on a vu des TLC, on a vu des gros matchs ladder. Moi, je considère pas comme le meilleur un contre un en ladder match. Je pense sincèrement que, des combats comme Rob Van Dam contre Jeff Hardy en 2001 ou avec Eddie Guerrero contre Edge, c'est vraiment des trucs pour refaire ça va être assez chaud. Mais c'est un classique intemporel, je prends plaisir à voir depuis de nombreuses années. Et là aussi Bruce, j'aimerais juste revenir un peu sur le contexte du match parce que pourquoi il y a peut-être des fans qui vont se demander pourquoi deux ceintures au-dessus du ring. C'est vrai que c'est assez bizarre. Pour le titre intercontinental, en fait ce qui s'est passé encore une fois, c'est que Jack Tunney, encore une fois le président de la WWF, avait retiré le titre à Shawn Michaels, qui était champion intercontinental. Il avait retiré le titre parce que Shawn Michaels, qui était heel à l'époque, il refusait constamment de défendre la ceinture. Il voulait pas défendre sa ceinture. Donc Jack Tunney avait organisé une bataille royale qui avait été gagnée par Razor Ramon en finale contre le modèle Rick Martel, si je dis pas de bêtises. Et Razor Ramon était donc devenu champion intercontinental. Mais Shawn Michaels, qui n'avait pas perdu sa ceinture, disait qui était toujours champion intercontinental, ce qui fait qu'on a eu ce match entre les deux champions en fait, pour vraiment savoir qui était le vrai champion intercontinental. Et ça nous a offert un classique intemporel. Après au niveau ladder match, il y en avait eu des matchs ladder avant ça, même avant le Bret Hart Shawn Michaels, mais il y en avait eu à la Stampede Wrestling. Ce qui était la Stampede Wrestling, c'était la fédération de Stewart, le père de Bret Hart. Et quand Bret Hart a été signé par Vince McMahon à la WWF, c'est Bret Hart justement qui avait donné l'idée à Vince des ladder match. C'est pour ça d'ailleurs qu'il était dans le premier face à Shawn Michaels. C'est vraiment Bret Hart qui est venu avec cette idée, qui avait proposé à Vince les ladder match. Il avait expliqué que son père en faisait à la Stampede Wrestling et tout, et que c'était un bon truc avec du suspense. C'est comme ça que c'est venu à la fédération. Après le match en lui-même, Rob Benito, il a tout dit quoi. C'est un classique, Razor Ramon est au top de sa forme, au top de sa carrière. C'est son meilleur match en carrière, clairement. Et au niveau des punches, au niveau des droites, j'ai toujours adoré ces droites. Et en plus là, contre Shawn Michaels, qui est un super vendeur de prises, c'est magnifique. Et bien sûr, l'image du splash aussi en haut de l'échelle est rentrée dans l'histoire. Le splash de Shawn Michaels, c'est une image intemporelle maintenant qu'on voit tous les génériques pré-WrestleMania. Ça fait le tour du monde, cette image-là. Donc c'est vrai que ce match-là, franchement, c'est avec l'opener, c'est deux gros classiques de l'histoire, chacun dans son style. Par contre, moi, je trouve qu'il a peut-être un peu vieilli, tu vois, au Benito, sur un truc, c'est que je pense que les fans, les jeunes fans d'aujourd'hui, peuvent être assez surpris de l'utilisation de l'échelle en se disant, ouais, mais ils font pas tant de choses que ça avec l'échelle. Ouais, et puis, il y a le fait qu'ils sont pas allés vraiment chercher les ceintures, alors que maintenant, on les voit beaucoup aller chercher direct les ceintures. Maintenant, il y a plus, alors qu'après, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, je veux dire, on est en 94, le splash de Shawn Michaels, c'est un moment vraiment historique, quoi. En Amérique, voir ça, c'était, à l'époque, c'était du jamais vu, donc, placé dans le contexte 94, quand on regarde le match, faut vraiment le voir comme un match de 1994. Je pense qu'au niveau prise de risque, après je comprends ce que veut dire Rob Benito dans le catch plus actuel au niveau prise entre elles. Un peu plus mais je high pense fly, que... un peu plus voilà, sur ça, rapide. Ouais. Voilà, sur ça c'est plus rapide. L'autre c'était plus au sol, c'est plus technique, c'était plus 90. Ouais, plus stiff, ouais, c'est clair. Quand il balance l'échelle dans le dos, et puis l'échelle c'est waouh quoi, c'est de l'échelle, hein. C'est pas ouais, n'importe quelle échelle. Hein. C'est clair. Mais voilà, je trouve juste que dans la prise de risque, peut-être que les plus jeunes vont se dire ouais, calmez-vous les anciens, ils font pas non plus grand-chose, alors qu'en fait, faut le voir, voilà, faut le voir avec dans le contexte de l'époque. Et dans le contexte de l'époque, c'est vraiment un match pionnier en ladder match. Faut dire que c'était le tout Donc, premier vraiment devant les yeux du monde entier, donc forcément. D'ailleurs, Tout ils à fait. referont, excuse-moi, mais d'ailleurs, ils referont l'année d'après en 95, parce que Vince McMahon, il s'est dit, c'est pas possible, ça a trop bien marché, on a beaucoup vendu de pay-per-view grâce à ça. Ça a fait un gros buzz. Donc, un an plus tard, en 95, et pour un gros pay-per-view aussi, Big Four, c'était le SummerSlam. De toute façon, il n'y avait que les Big Four à l'époque, donc il n'y avait pas 36 000 pay-per-view. Pour le SummerSlam, il les raffronte, et il fait raffronter Razor Ramon contre Shawn Michaels pour la ceinture intercontinentale. Alors, le match est très bon aussi, mais il est éclipsé par celui-là qui a été le premier. Et ça reste un match aussi très bon en 95, que je conseille aussi de voir, clairement. Oui, c'est carrément de. Enfin, ils avaient une bonne alchimie tous les deux, Ouais. d'ailleurs, dans le ring. Razor Ramon avait été c'est un big man, mais il utilisait jamais trop cette façon de catcher. Et contre Shawn Michaels, Shawn Michaels était tellement un bon vendeur de prise que du coup, j'avais l'impression que Razor Ramon il se régalait à faire son big man de base, quoi. Et donc du coup, c'était assez kiffant. Et notamment à un moment, il place un rock bottom sur Shawn Michaels, qui est assez puissant. Je sais pas si tu vois, en plein milieu du Ouais, match, bien sûr, je vois. c'est un Dès le espèce de début. rock bottom énorme. Paradoxe, hein. Rock bottom avant The Rock. Mais ne serait-ce que la façon dont il enlève les ceintures en se jetant d'en haut de l'échelle, en les arrachant aujourd'hui, t'as les mecs, des fois, ils passent 15 minutes à essayer de les enlever, quoi. En fait, à partir du moment où il les touche, il les gagne les ceintures quasiment. Ah oui. C'est ça De toute qu'aujourd'hui, façon, on appelle dans la psychologie Oh, d'un mais là, c'est leader le match. premier qui les a touchés qui les a gagnés, de toute façon. Donc, Mais le moindre Mais c'est coup, le ça. moindre. Le moindre coup de Razor Ramon à ce moment-là, dans ce match-là, ça a un impact énorme. Les droites qu'il lui met, quoi, les droites qu'il met à Michael, c'est géant. Franchement, il y a un impact. Le match, il a pas vieilli sur ça, c'est clair. Que, à ce niveau-là, sur ces trucs-là, ouais, je rejoins totalement Rubénito. Le match, je peux le regarder encore aujourd'hui sans problème sur ce plan-là. C'est vraiment très très bon. Et après, c'était des très bons amis aussi en vestiaire, ce qui fait que l'alchimie était très bonne. Ils se faisaient appeler la clique. Entre eux, il y avait aussi Triple H qui est venu un peu après, hein. Triple H, One Two Three Kid et Diesel. C'était des potes en coulisses, ils faisaient un peu leur loi, ce qui paraît, bon, c'était un peu, voilà, ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Il y avait quelques trucs comme ça en coulisses où des gars, ils étaient un peu contre eux, ils s'étaient renfermés, ils s'étaient fait un petit clan bien sympa Notamment entre eux, mais Undertaker qui ne justement, faisait même pas trop. oui, Undertaker qui a eu des petits soucis J'ai avec eux, mais toujours en entendu attendant, dire, voilà, moi ouais, j'ai toujours Mskia. entendu dire que Undertaker, il n'était pas trop fan de la clique et de leur façon de voir le catch. Bret Faut Hart aussi. savoir que Undertaker, ça a toujours été un taulier du vestiaire. Et ouais, du coup, Bret Hart. Mais Bret Hart, c'est encore autre chose. Bret Hart, il était un peu à part quand même dans le vestiaire. C'était pas non plus le mec hyper fédérateur, quoi. Non, carrément pas. Donc il avait quand même son caractère. Hein. Aujourd'hui, on le voit comme un ange un petit peu Bret Hart, mais à mon avis, ça devait pas être le mec le plus sympa du vestiaire, le plus avenant, quoi. Et Et alors pourtant. qu'Undertaker, c'est quand même un taulier du vestiaire, et du coup, je sais qu'il y a eu quelques problèmes avec la clique, notamment avec Diesel et avec Shawn Michaels à une époque, mais bon, après voilà, ça se résout tout ça. Avec les années, l'expérience, la vie, ça se résout. Et oui. Et pourtant, Bret Hart n'était pas fédérateur dans le vestiaire, mais la WWF a voulu montrer une autre image tout à la fin de WrestleMania, vu qu'on a fini avec Bret Hart champion. Ce dernier match qu'il a gagné contre Yokozuna, donc voilà, c'était le deuxième match pour le titre WWF, comme l'a expliqué Renaud tout à l'heure, avec comme arbitre spécial Roddy Piper. Après 10 minutes 38, une fin plus que frustrante et bizarre. Alambiqué, on va dire. Ouais, donc Bret Hart devient champion et bien célébré par quand même Savage et compagnie, enfin plusieurs grands noms du vestiaire et par Burt Reynolds donc qui était l'annonceur spécial aussi pour ce match. Voilà, donc avec pas mal de star power. Donc là, vu qu'on a déjà parlé des deux catcheurs, à part uniquement du match, Obenito, t'as pensé quoi? Ben là, on voit la différence entre les deux matchs, quoi, entre Lex Luger et Bret Hart. C'est-à-dire que avec le même adversaire, t'as un niveau qui est complètement différent. T'as un niveau technique chez Bret Hart, t'as un niveau de maîtrise des prises, t'as un niveau de maîtrise du selling, t'as un niveau storytelling qui est carrément au-dessus, même dans une autre galaxie par rapport à ce que peut proposer Lex Luger. Mais le match en lui-même reste pas top top, quoi. Je m'attendais, dans mes souvenirs, c'était beaucoup mieux, pour être honnête. Et donc j'étais déçu. Alors je sais pas si j'ai été déçu parce que je m'attendais à bien, si j'étais déçu parce que c'est pas bien. Je sais pas, j'ai pas trop d'idées. Après, le fini, je laisserai Roland l'expliquer parce que il est tellement outré que j'ai envie de lui laisser ce privilège. Et du coup, à le finish, il gâche en fait tout le match. Souvent, on avait eu un genre de mini débat entre nous en disant que les finishes devaient pas compter dans le jugement d'un match, mais là, pour le coup, ça compte, quoi. Bon, bah on va laisser Renault pour la transition parce que John Kendrick, c'est une autre analyse. Ouais, non, je rejoins totalement Benito. Ce finish gâche pas mal le match. C'est en fait Yokozuna qui tire tard dans le coin, qui va lui faire son bonsai drop comme il faisait pratiquement à chaque fois pour gagner les matchs, et puis qui perd tout seul l'équilibre, quoi. C'est même pas Bret Hart qui va secouer la corde ou un truc comme ça. C'est Yokozuna qui perd tout seul l'équilibre et qui tombe sur le ring à la façon d'un poisson qui sort de l'eau, et c'est assez nul, quoi. La chute, Bret Hart derrière fait tomber, il gagne comme ça. Alors que Bret Hart puisse pas porter le sharpshooter à la limite sur les grosses jambes de Yokozuna, ok, mais qui gagne quand même sur une prise, enfin je sais pas, qui trouve un truc, même un small package ou quelque chose, c'est vraiment dommage. Après, sur le match en lui-même, je vais rejoindre Benito, mais moi je pense franchement que le match il est pas super. Il est pas super en lui-même. J'ai jamais vraiment Ça me apprécié 10 rassure. minutes. Ouais, non, mais 10 minutes de combat pour un main event. Alors bien sûr, ils ont catché avant. C'est surtout à cause de Yokozuna que le match dure 10 minutes, parce que Blatt, à la limite, il peut refaire un match de 20 minutes sans problème, surtout qu'en plus il avait fait l'opener. Ça, c'est pas un souci. Mais je pense que c'est ça, c'est le fait d'avoir eu Yokozuna contre Luger avant. Ça fait qu'ils ont réduit le temps du match, et j'ai une petite préférence pour ce qu'ils ont fait à WrestleMania 9. Entre Ah les oui, deux, tout c'est à pas non fait. plus excellent. Mais je pense que WrestleMania 9, il est même un peu plus court s'il faut, le match, je pense. Mais j'avais trouvé plus d'alchimie dans le ring et un petit peu plus, ouais, c'était un peu mieux. Mais disons que les mecs étaient plus frais aussi, donc ça peut aider, bien sûr. Mais la fin, elle était aussi très spéciale à WrestleMania 9, avec le coup du sel lancé par par Mr. Fuji Et dans les yeux de Hogan Bret qui Hart. vient de complètement décrédibiliser tout le monde. Ouais, voilà, ouais, c'est ça, c'était un peu chiant. Mais après, voilà, je trouve que WrestleMania 9, c'était un peu mieux. Juste un petit mot sur le règne excellent après qu'aura Bret Hart, parce qu'il aura des combats excellents contre Owen Hart, bien sûr, on en a parlé, contre Diesel. Je trouve que là, Diesel a fait ses meilleurs combats en solo à la Fédération, c'était contre Bret Hart, et contre Bob Backlund aussi, où Bob Backlund a fait vraiment des combats excellents contre Bret Hart. Donc ça a été un règne franchement super au niveau qualité in ring derrière, c'était excellent. Ça a lancé la carrière de Bret Hart, je trouve. Parce qu'il avait déjà été une fois champion du monde, je crois que c'est son deuxième règne, ça se saura. Ouais. Et du coup, ça a vraiment lancé Bret Hart comme un main eventer. Et après, pour ce que disait Bruce Lee tout à l'heure, c'est vrai qu'une fois qu'il gagne, tous les Américains qui viennent sur le ring pour célébrer avec Bret Hart, parce qu'il y avait vraiment une gimmick d'ultra japonais anti-américain pour Yokozuna. Et du coup, le fait qu'enfin un Américain arrive à battre Yokozuna hein, depuis le Kogan l'année d'avant, un mec de la nouvelle génération, et du coup ils ont un peu su pour célébrer tout ça, mais ça sentait un peu le fake, je trouve, c'était un peu dommage quoi. Alors que Bret Hart n'était même pas au courant, selon ses dires, que Il paraît, les gars des ouais, il vestiaires paraît. arrivaient. Par contre, Roddy Piper, faut qu'il compte un peu plus moins vite quand même quand il compte, parce que Roddy Piper, quand il est arbitre, je ne supporte pas Roddy Piper arbitre. Donc ça, c'est un truc de Ah, vieux. Roddy Piper, il veut trop, hein, il veut trop voler le spotlight, comme disent les jeunes. Bon, mais alors l'analyse radicalement opposée de Jason Kendricks, parce que pour lui, ce match est très réussi, et il faut avouer qu'il a comparé avec Yokozuna Lex Luger, donc ça peut se comprendre. Pour lui, Piper est très bon en tant qu'arbitre, et une bonne alchimie entre les deux, et puis la victoire pour lui est mémorable. Voilà. Donc, comme quoi une autre Effectivement, lecture. c'est historique, hein. Effectivement, c'est historique, hein, qu'un mec de la taille de Bret Hart batte Yokozuna, c'est assez historique. Mais il y avait d'autres moyens pour crédibiliser Bret Hart, il y avait d'autres moyens de le faire gagner, quoi. Qu'un mec qui tombe tout seul sur ton finish, c'est un peu dommage. Bon, mais on a fini, donc on va passer aux notes, avec la note sur 10 de Renault. Bah écoute, franchement, je l'ai vu à la baisse, le pay-per-view, mais j'ai plus vu avec des yeux de gamin, en fait, avec des yeux d'adulte. Ah oui, Il y ça a eu change. deux gros classiques. Eh oui, ça change complètement. Alors, bien sûr, il y a le Owen Hart Bret Hart en opener qu'il faut voir, parce que la construction, elle est parfaite. C'est vraiment un match qualité technique. Tu montes ça dans les écoles de catch sans problème, encore aujourd'hui. Et puis, le leader match, on en a fait un gros débat dessus entre Razor Ramon et Shawn Michaels. Mais après, peut-être, à part le match, et vite fait, des Quebecers. Et ça, voilà, c'est quand t'es devant le show, sinon tu penses même pas le regarder. Il y a franchement pas grand chose, quoi. Donc moi, je vais lui mettre la moyenne. Je vais mettre 5. Je vais mettre 5 sur 10 parce qu'il y a deux gros classiques. Mais sinon, à part ça, pour un WrestleMania 10, qui est quand même symbolique, en Madison Square Garden, c'est le 10, je trouve que on aurait pu avoir des autres matchs beaucoup mieux au niveau transition. Et si ça te passe aujourd'hui, comme ça, des fins de match comme ça aujourd'hui, ça serait juste pas possible et tout le monde crierait au scandale. Donc je vais mettre un 5 sur 10. Moi, je vais mettre un 5,5 un tout petit peu plus haut parce que, bon, après, c'est vrai que tu as soulevé de bons points, mais disons que, allez, je mélange quand même le regard que j'avais à l'époque et le regard que j'ai maintenant. Voilà, faut faire un petit peu un mixte, ce qui fait que, un mix, pardon, ce qui fait que, du coup, là, ça passe assez bien quand même. C'est pas un si mauvais WrestleMania que ça, c'est sûr. Ça marque une nouvelle époque parce que c'est vrai que les WrestleMania avant étaient quand même plus poussifs, je trouve. Forcément, donc voilà, après forcément les deux classiques aident beaucoup. Voilà ce qui fait donc ma note et celle de Rubenito. Moi, je mets 5,5 aussi, un peu pour les mêmes raisons que toi, Brousty. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, il y a deux grands classiques et à côté, il n'y a pas grand-chose. Sauf que à l'époque, ça correspond avec le style de l'époque. C'est un peu ce que j'ai dit tout le long de l'analyse. Ça correspond quand même avec le style de l'époque. Et puis finalement, le Royal Rumble avait deux gagnants qui étaient Lex Luger et Bret Hart, et du coup à eux deux ils correspondent, enfin ils ont un tiers de l'antenne ce soir-là, donc ça fait un peu, enfin c'est un peu normal je trouve finalement. Mais c'est vrai qu'après en dehors des deux gros matchs et peut-être du main event qui est pas dégueulasse, qui est pas mal, qui est moyen mais qui est pas dégueulasse, et donc ça mérite un petit peu plus que la moyenne selon moi. Bah, c'est bien. Bon, mais au final, ça fera donc 5,33. Moi, bon, l'échelle de Wessos Radio, c'est quand même un petit peu en dessous de la moyenne qui est de 6. Mais disons que ça reste assez potable par rapport à d'autres vintage qu'on a fait. Je pense notamment au dernier SummerSlam qu'on a fait. Voilà. 92. Eh ouais. Oui. Mais bon, là, En tous dehors les du main pay-per-view anciens ne sont pas non plus catastrophiques. Il y en aura des bons dans le futur aussi, dont on va parler. Mais donc, en attendant, bah, petit rappel des partenaires avec Voxcatch, avec les différents articles déjà sur le Hall of Fame et sur la présentation des matchs de WrestleMania, parce que forcément, WrestleMania 31 arrive à grands pas. C'est ce dimanche, voilà, à partir de 1h10 sur AB1. Donc, il y aura quand même un sacré programme qu'on vous réserve d'ailleurs un petit peu avant. Mais ça, ce sera le programme à la fin. Je continue avec les partenaires. Il y a Catch Attack aussi. On le remercie beaucoup. Une lutte. FN Lutte, Ma chaîne voilà, qui nous Catch aide et un petit Catch peu. Lutte. Voilà. Ouais, merci à eux. Et donc, sacrée semaine qu'on vous réserve parce que ce vendredi, il va y avoir la sortie de l'interview d'Abyss. Pour le coup, c'est pas vraiment ça par rapport à WrestleMania, mais tout de même, la superstar de la TNA en exclusivité. Interviewé par Vincent et Sébastien. Voilà. Et donc ensuite, gros programme dimanche, car on vous réserve le direct pré-WrestleMania à partir de 22h. Vous pourrez interagir en direct avec vos réactions, vos pronostics. D'ailleurs, on vous remercie beaucoup de voter déjà sur la page Facebook pour le concours. Vous Si tu veux pouvez en parler un voter, il y petit a un petit peu, sondage, vous tout. pouvez donner vos gagnants de chaque match. Vous allez Ouais. sur la page Facebook de Wrestles Radio et il y a un petit sondage, un petit clic, ça dure montre en main, c'est 36 secondes. Il y a 8 questions sur les 8 matchs annoncés de WrestleMania. Et donc vous donnez le gagnant de chaque match, vous partagez l'interview et du coup vous concourez automatiquement pour gagner un t-shirt de la Wyatt Family. Eh ouais, Voilà. sacré cadeau quand même, donc n'hésitez pas, et puis parlez-en autour de vous surtout, et puis n'hésitez pas à être au rendez-vous avec nous, juste avant donc de vous plonger dans la grande soirée de l'année. Ensuite, ben, on vous retrouvera pour l'analyse post-WrestleMania, comme chaque jeudi en direct, ce sera jeudi 2 avril à partir de À 5h du 20h45. matin, après WrestleMania. On pourrait faire ça, mais Pour je un crois qu'il live n'y de aura pas grand 4h. monde. Ouais. Et n'oubliez pas que ce sera l'heure d'été d'ailleurs, hein, le dimanche. Donc attention à l'heure. Merci à vous et n'hésitez pas donc à nous suivre aussi, si ce n'est pas déjà le cas, sur Facebook, Twitter. Puis nous écouter sur différents supports, YouTube, Archive, iTunes. Merci à vous et puis on se retrouvera pour un nouveau vintage bien sûr au moment de SummerSlam pardon. Cet été. Mais bon, d'ici là, c'est quand même WrestleMania, donc on se retrouve à dimanche. Ciao, ciao. Au revoir, Salut les bonne amis. soirée.